Sunday morning, I'm waking up. Didn't know whose bed I'm in. Where do I start? Where do I begin? Where do I start? Where do I begin? Abonnez demain un nouvel air, une nouvelle heure aussi. Tu t'es abonné demain, une nouvelle heure, une nouvelle heure. Que je capte.